et bienvenue dans ce podcast de ce qu'une infirmière sait faire. Je me présente, je m'appelle Louis, je suis infirmier et je suis surtout présent sur YouTube avec la chaîne Un homme en blanc qui propose des contenus pédagogiques pour les infirmiers et infirmières diplômés ou encore dans leurs études et ça depuis pas loin de 4 ans maintenant. Ce podcast a été créé pour les infirmiers et infirmières, pour les étudiants en soins infirmiers, les professionnels de santé en règle générale, mais toute personne un peu curieuse du monde de la santé est la bienvenue. Alors pourquoi mettre un podcast pour faire ça ? Eh bien tu vois, je trouve que ce format permet vraiment d'avoir un peu de temps pour discuter, voilà, de manière plus spontanée, tout en allant au fond des choses. Toi, ça te permet d'écouter sans être obligé de rester devant ton écran ou à côté de ton PC. Là, tu peux écouter le podcast tout en faisant autre chose, quand tu fais la cuisine, quand tu vas au sport, quand tu es dans ta voiture, dans le métro. Du coup, tu l'emportes partout avec toi, ça ne te paralyse pas dans ta journée, mais tu as quand même les infos. Pour ce premier épisode, j'avais envie, comme ça, de te présenter un peu le concept et de t'expliquer à quoi tu devrais t'attendre pour ce podcast. Parce que le métier d'infirmier, d'infirmière, regorge de possibilités, que ce soit pour ce qui est du choix de l'endroit où tu travailles, le type d'établissement, hors établissement, quel service, quel statut, mais il y a aussi tous les projets que tu peux mettre en place, les personnes que tu peux rencontrer, tout ça, soit dans ta carrière, soit en parallèle. Et justement, ces possibilités. Alors, il y a les grands classiques d'évolution de carrière. Alors là, c'est tout ce qui est infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, infirmier puère, cadre de santé. Puis, il y a aussi l'activité libérale. Mais il y a toutes les évolutions, toutes les opportunités auxquelles on ne pense pas forcément, qui peuvent être directement dans le métier ou qui peuvent être menées en parallèle. Et tu vois, ce que je voudrais faire, c'est te présenter des personnes qui ont osé soit mettre en place quelque chose, un projet, soit qui ont une façon de vivre leur métier qui varie un petit peu du commun et du cliché de l'infirmier, infirmière en hospitalier. Alors ça peut aussi être des personnes qui ont eu un parcours un peu différent du parcours classique et qui pourraient donner des idées à celles et ceux qui souhaiteraient reprendre des études, changer de job, évoluer dans leur travail. Le but, en fait, c'est de t'inspirer, de te faire découvrir de nouvelles façons de vivre ton métier de soignant et quelque part ta vie perso aussi. Alors, peut-être que tu vas trouver ça un petit peu prétentieux, mais j'aimerais vraiment que, en écoutant les personnes que j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu échanger, que cette petite voix dans ta tête qui te dit de te lancer pour tel ou tel projet, que pour une fois, cette petite voix, tu l'écoutes. Que tu lui donnes de l'importance. Et que tu te lances dans ce que tu as envie, en fait. Que ce soit quelque chose de tout petit ou quelque chose qui soit bien plus conséquent. Alors quand je te dis de te lancer, bien sûr, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut que tu te sois renseigné, il faut que tu te sois préparé pour éviter les erreurs bêtes, les erreurs facilement évitables, pour éviter de tomber un petit peu dans les pièges du débutant. Mais à un moment, il faudra bien arrêter de repousser l'échéance et oui, il faudra commencer. Parce que tu auras beau faire le plus chouette des projets, si à un moment tu ne passes pas à l'action, tu ne feras jamais rien. Et tu vivras finalement dans le « Ouais, si j'avais fait ça, si j'avais osé, ouais, c'est dommage quoi. » Donc, une fois que tu as pesé le pour et le contre, et que tu te seras le plus préparé possible, même si je suis d'accord avec toi, on ne l'est jamais complètement, il faut que tu te lances. Commence. Et ne t'arrête pas, surtout, ne t'arrête pas aux premières difficultés. Si tu vois des murs se dresser devant toi, peut-être que, plutôt que s'entêter à vouloir casser le mur, peut-être que tu peux contourner le mur, contourner le problème. Et puis, si je me permets de te tenir ce discours, c'est parce que, un jour, justement, et là je vais te raconter un petit peu mon histoire perso, donc je te parle de ce que je connais. Un jour, alors, je travaillais déjà, j'étais dans la rééducation, dans le monde de la santé et du handicap, mais je me suis posé, je me suis dit, infirmier, c'est vraiment le métier que je veux faire. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Maintenant, comment y arriver ? Et ça, ça pose pas mal de questions, ça pose pas mal de problèmes, même parce qu'à ce moment-là, tu remets en question ton mode de vie, ton confort. Tu dois, en plus de ton boulot, préparer le concours d'entrée. Aujourd'hui, le concours, il a été supprimé. Mais à l'époque, il fallait, en parallèle de son travail, préparer le concours. Mais en plus, tu dois réfléchir à comment tu vas faire financièrement pour tenir les 3 années de formation. Comment tu vas t'organiser au niveau de la famille, comment tu vas t'organiser au niveau du matériel. Je te garantis, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a quand même pas mal de moments où tu vas te poser la question est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce que vraiment ça va le faire? Ou est-ce que tu ne ferais pas mieux de lâcher le truc et de rester dans ce que tu sais déjà, dans la situation dans laquelle tu es déjà, de ne pas prendre de risques, de rester quelque part un petit peu dans ton confort, entre guillemets, et puis en cherchant des infos à droite à gauche, en regardant un petit peu les histoires de personnes qui ont déjà fait ça avant toi, ou qui préparent le même projet que toi en même temps, eh ben tu peux trouver des idées, tu peux te remotiver. Et si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, si c'est vraiment ancré en toi, tu vas trouver une solution. Parce que ça, pour trouver des excuses, le cerveau, il est très fort. Lui, il fait son job, hein. Son job, c'est de te protéger, c'est de te mettre en sécurité, que tu restes dans une zone un peu safe, quelque chose que tu connais, quelque chose que tu maîtrises. Mais t'inquiète pas, je suis sûr qu'en posant les choses à plat, tu vas trouver une solution. Quitte à ce que ce soit un peu repoussé dans le temps, histoire de faire les choses correctement. Du moment que c'est juste reculer pour mieux sauter, et pas juste remettre à demain encore et encore. Et puis surtout, à un moment, tu te lanceras. Et puis tu verras. Même si c'est vrai qu'il y a des démarches à faire, qu'il y a du boulot à fournir pendant la formation, c'est normal, mais il y a vraiment des personnes qui sont là pour t'aider. Il y a des solutions à de très nombreux problèmes qui peuvent paraître insurmontables au début, et finalement, une fois que c'est passé, tu te diras, finalement, c'était pas si difficile, c'était pas si terrible que ça. Et puis, rester dans un job qui te plaît pas. Ou alors, rester avec l'idée de monter un projet sans jamais le faire. En restant dans, tu vois, toujours avec cette petite voix qui te répète régulièrement, ah, si je l'avais fait. Ah, si j'avais commencé plus tôt, et si, et si. Donc si tu as envie de te lancer, de démarrer quelque chose, de changer quelque chose qui ne te plaît pas, mais vas-y quoi. Vas-y, bon sang, lance-toi. Tu vas voir que la confiance en soi, moi j'avais pas du tout confiance en moi au début, hein. Mais ça s'acquiert au fur et à mesure, en faisant. Et plus tu vas faire, plus tu vas travailler, plus tu vas réussir, et plus cette confiance en soi, cette confiance en toi, elle va vraiment grandir. Et plus tu vas oser aller de l'avant. Renseigne-toi un maximum, mais surtout commence, lance-toi, démarre. C'est le plus dur. C'est comme quand tu vas à la piscine ou à la mer, hein. Le plus dur, c'est de plonger dans l'eau. Une fois que tu y es, c'est cool. Et c'est pour ça que je vais inviter pas mal de monde. Des personnes qui ont soit repris des études, soit créé leur job, soit qui vivent leur travail de manière complètement différente, soit qui ont un projet de vie, un projet professionnel dingue, et qui vont venir un petit peu pour en discuter, pour pouvoir partager leur manière de vivre leur job. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais terminer ce podcast. N'aie pas peur, la confiance, même si tu l'as pas tout de suite, je peux te garantir que ça va arriver au fur et à mesure de ce que tu vas faire. Et que le plus important, c'est la première marche, c'est le début, il faut commencer. Et donc voilà, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Donc une dernière chose avant de partir, j'ai vraiment besoin que tu me dises ce que tu penses de ce podcast. Que tu laisses une note sur iTunes, SoundCloud, la plateforme sur laquelle tu as téléchargé le podcast. Mais également un commentaire si toi aussi tu as réussi à passer outre tes craintes pour monter quelque chose. Pour créer quelque chose ou pour changer de job. Si toi, tu as réussi à démarrer vraiment le projet qui te tenait à cœur. Et s'il y a des thèmes que tu voudrais aborder, n'hésite pas, tu me laisses pareil un petit commentaire. Et puis on se retrouve dans 2 semaines avec le premier invité. À très vite!